France Culture avec philosophie Géraldine Mühlmann. Suite de notre série sur l'imagination, il est temps de réfléchir au rôle de l'imagination dans la remise en cause, peut-être, de certaines dominations qui pèsent sur nous. Quatrième épisode, imagination théorique et imagination politique. Et c'est vers la première génération de l'école de Francfort que nous nous tournons aujourd'hui, Adorno, Marcuse, mais non sans un dialogue avec d'autres penseurs qui ont une confiance peut-être plus immédiate encore dans l'imagination, Castoriadis ou encore André Breton. L'idée de cette émission tient particulièrement à une phrase située au début de la dialectique de la raison, ce livre inclassable, écrit par Théodore Adorno et Max Horkheimer pendant la Deuxième Guerre mondiale, en pleine catastrophe, en somme, et publié la première fois à New York en 1944, puis à Amsterdam en 1947. La voici, cette phrase. De même que la prohibition a de tout temps ouvert la voie aux produits plus toxiques, l'interdiction de l'imagination théorique ouvre la voie à la folie politique. C'est le genre de phrase qu'il faut relire plusieurs fois pour les comprendre. Ce que l'on entend, disons, c'est qu'à manquer d'imagination théorique ou à museler celle-ci, c'est le pire politiquement qui prendra le pouvoir. Bonjour Michel Cohen-Halimi. Bonjour Géraldine Mühlmann. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris 8, directrice actuelle de la collection Critique de la politique aux belles lettres, une collection qui, sous l'impulsion de Miguel Abinsour, a traduit énormément de textes de l'école de Francfort. Vous prolongez d'ailleurs cette veine. Vous y avez vous-même publié en 2014 un livre intitulé « Stridence spéculative, Adorno, Lyotard, Derrida ». Bonjour Jean-Baptiste Vuillereau. Bonjour. Vous êtes philosophe chargé de recherche au FNRS et le CNRS belge à l'université de Namur en Belgique. Vous êtes l'auteur notamment de Théodore Adorno, La domination de la nature, paru en 2021 aux éditions Amsterdam. Enfin, bonjour Benjamin Tortora. Bonjour. Vous êtes un penseur et poète, auteur récemment d'un recueil de poésie intitulé L'étendue passionnelle, publié aux éditions de la Crypte. Vous préparez une thèse de doctorat sur le mythe entre émancipation et domination, ce qui vous conduit à fréquenter beaucoup d'auteurs évoqués ce matin, Castoriadis, Breton, Benjamin, mais encore Adorno. Adorno, que nous écoutons tout de suite lors d'un entretien télévisé de 1964 avec Ernst Bloch. Das unzählige sogenannte utopische Träume. Je voudrais avant tout rappeler que de nombreux rêves prétendument utopiques, comme la télévision, la possibilité d'aller sur d'autres planètes, celle de aussi se déplacer à une vitesse supersonique, ont été réalisés. Mais que maintenant qu'ils l'ont été, ils donnent tous l'impression qu'on a oublié le plus important. Ils ne nous ont pas rendus heureux et ont même pris, au cours de leur réalisation, un caractère qui était jusque-là réservé au désenchantement, à l'esprit du positivisme, voire à l'ennui. Des Geistes des Positivismus und darüber hinaus der Langeweile angenommen haben. Alors on entend ici dans la bouche du philosophe Adorno en 1964 une pensée sombre à propos de l'imaginaire contemporain, non sans écho à un passage de ses Minima Moralia en 1951, passage inquiet que je vous propose aussi d'écouter d'entrée de jeu, donc dans ce début d'émission à propos des enjeux politiques de l'imagination. Ce qui jadis s'appelait l'intellect est remplacé par des illustrations. Cela ne veut pas dire seulement que les hommes ne sont plus capables d'imaginer ce qui ne leur est pas montré en abrégé et à coups de matraquage. Même le mot d'esprit, où jadis la liberté de l'esprit entrait en collision avec les faits et les faisait exploser, est passé à la bande dessinée. Les images humoristiques qui remplissent les magazines ont perdu leur force et leur sens. Elles ne sont plus là que pour provoquer l'œil et le faire entrer en compétition avec la situation. Ayant acquis de l'entraînement grâce à de nombreuses lectures précédentes, le lecteur doit voir ce qui se passe plus rapidement qu'il ne peut suivre les moments signifiants d'une situation. Ce que démontrent ces images, et qu'imite le lecteur, C'est dans la saisie instantanée d'une situation et la soumission passive à la prédominance vide des choses, une manière de se débarrasser de toute signification comme d'un fardeau utile. Donc vous l'aurez compris, c'est Riyad Kera de notre équipe d'Avec Philosophie qui a prêté sa voix deux fois au philosophe Adorno. Dans ce dernier passage des Minima Moralia, Adorno, en 1951, juge donc que trop de choses nous sont montrées, y compris dans la culture contemporaine qui se veut culture, justement, en abrégé, dit-il, et à coup de matraquage. C'est une critique très sévère, très sombre. Est-ce qu'il exagère, Michel Cohen-Halimi, ou bien, au fond, aujourd'hui, 70 ans plus tard, tout cela n'est jamais aussi vrai ? Je pense que ce texte est vraiment un texte qui tire le bilan, dans le fond, de ce qu'a fait de nous l'industrie culturelle. Et je pense que la prémisse majeure dont il faut partir dans ces analyses sur ce qui est devenu l'imagination, c'est dans le fond que la production industrielle de la culture ou la production d'objets culturels produit la masse. Et c'est pas, il faut pas imaginer qu'on puisse substituer l'expression culture de masse à production industrielle de la culture, parce que la culture de masse et la masse, c'est l'effet de cette production culturelle. Donc faut pas confondre la cause et l'effet. Et je pense que dans ce texte, Adorno tire le bilan, dans le fond, de ce que c'est que cette masse, dont nous sommes tous les membres, et de ce qui fait, dans le fond, de ce qui a transformé l'individu de la masse. Et dans cette transformation, dont il va dresser le bilan dans ce texte, il y a ce qu'on perd et ce qui se substitue à la perte. Alors, ce qu'on perd dans le texte, c'est le Geist, c'est l'esprit. Et dans le lexique de la philosophie allemande, le Geist, c'est vraiment l'animation des facultés intellectuelles, le principe de vie des facultés intellectuelles. Ce qu'on perd, c'est le sens du Witz. Alors, le Witz, on peut penser tout de suite à Freud. Le Witz, ça suppose aussi quand même un rapport au langage et un rapport à l'échange dans le langage qui ne révèle pas immédiatement un sens. Hein. Freud dit le mot d'esprit, Witz, il est biface, bifrons. Donc, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on entend dans ce qui est dit. Donc, ça suppose du temps, ça suppose de l'interprétation, ça suppose aussi un partage, une complicité. Freud dit on ne rit pas tout seul d'un mot d'esprit. Donc, il faut qu'il y ait l'autre. Voilà, donc il y a un partage dans le langage, il y a une vitalité par laquelle, et dans le rire, il y a une joie, il y a un plaisir. On est ensemble dans et par le langage. Donc, ce qu'on perd, c'est le Geist, ce qu'on perd, c'est le Witz. Et puis le titre, l'utopie, parce qu'il nous dit aussi. Absolument, là, dans l'entretien, l'utopie, mais j'y viens, parce que si l'imagination s'atrophie, et elle s'atrophie parce qu'on ne voit plus des images non plus. Et là, ce qui est très beau dans le titre de cet aphorisme, c'est qu'il parle des livres d'images. Alors, si on mettait en contrepoint les recensions par Benjamin des livres d'images pour enfants, où voir un livre d'images, c'est lire une image, c'est voir un mot, c'est faire jouer le mot qu'on voit avec l'image qu'on décrypte, qu'on déchiffre. Et là, il y a un jeu, il y a une temporalité, il y a une durée. Alors voilà, tout ça est perdu. Donc on a une masse qui constitue cette culture de masse. Et jamais Adorno ne parle de culture de masse, parce qu'il y a culture de masse, c'est l'effet. C'est l'effet, la c'est une vie. Oui, c'est la conséquence. Évidemment, c'est le résultat. C'est là-dessus que certains ne sont pas. Et donc il y a, d'accord. Mais parce que la culture de masse, ça suppose une position de surplomb. Ça suppose un mépris de classe. Ça suppose, dans le fond, la valorisation d'une culture aristocratique. Et c'est pas ça le propos. Le propos, c'est de dire le bilan, c'est une atrophie de l'imagination, de la lecture, du rapport à la signification dans le langage, et même, je dirais, du partage. Parce que le vide, c'est quand même une communauté. Alors, je vous propose que, bien sûr, Jean-Baptiste Virault et Benjamin Tortora, vous allez vous exprimer là-dessus aussi. Mais pour que, peut-être vis-à-vis de nos auditeurs, on comprenne bien qu'il y a quand même un débat là-dessus. Hein. L'idée que, peut-être, Adorno, sur la question de l'industrie culturelle a été tellement radicale que peut-être ça, pour le coup, ça oublie qu'il y a, et je prends un mot à lui, Il y a toujours des percées utopiques, même dans les crevasses, dit-il à la fin de Minima Moralia. Donc peut-être que chez le récepteur de tout un tas de films populaires, et puis par ailleurs, je trouve qu'il y a une certaine créativité extraordinaire dans les séries actuelles. C'est pas toujours si simple. Peut-être qu'on peut discuter avec lui. Mais surtout, il me semble que ce débat ne clôt pas l'affaire, ne clôt pas la question de la domination, ne clôt pas les inquiétudes d'Adorno sur l'imaginaire. Je vais donner la parole à Philippe Corcu, qui a été invité il y a un an dans cette émission et qui lui défend vraiment l'idée d'une créativité dans les industries culturelles contemporaines, notamment dans les séries. Oui, parce que en fait, cette théorie de l'aliénation des spectateurs et des téléspectateurs, elle est basée sur l'analyse des émetteurs. Et donc, elle est passée à côté du fait que y a une relation sociale entre l'émetteur et le récepteur. Et donc il y a des filtres du côté des récepteurs, il y a une vie, ça appartient à des groupes sociaux, il y a des expériences politiques, il y a un genre différent, il y a des générations, bon, il y a des contraintes raciales qui peuvent peser, etc. Et donc ces filtres font que cette idée d'aliénation généralisée par les médias ne fonctionne pas. Et ce qu'a montré aussi dans sa critique de Guy Debord, Jacques Rancière, dans son formidable livre Le Spectateur émancipé, c'est que le spectacle est aussi un accès à l'émancipation. C'est pas du côté de l'inactivité. Et c'est tout le travail sur le cinéma du philosophe américain Stanley Cavell, autour du rôle perfectionniste du cinéma, autour de la coéducation par les films, est basé sur cet accès à une certaine émancipation dans le rôle aussi de spectateur, dans un va-et-vient, dans un dialogue. Jean-Baptiste Virault, qu'est-ce que vous pensez de cette critique du sociologue Philippe Corcuff d'un excès d'usage du mot peut-être d'aliénation lorsqu'on parle de la culture qu'il faudrait peut-être appeler populaire? C'est vrai qu'il y a des industries qui fabriquent tout cela, mais que ce soit chez Debord ou chez Adorno et Horkheimer, peut-être qu'on néglige un peu la manière dont le spectateur travaille ce qu'il reçoit. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a quand même des percées qui donnent à espérer ? Oui, mais en fait, ça renvoie à un débat interne à l'école de Francfort entre Benjamin et puis Adorno. Si on se rapporte à la correspondance, doit être les lettres en août 35 sur l'image dialectique. Oui, tout à fait. Benjamin défend que, voilà, dans le Paris du 19e siècle, mais on pourrait aussi imaginer ses textes sur le cinéma, il y a effectivement des aspirations utopiques qui se donnent, y compris à l'intérieur, disons, des dispositifs de domination et d'aliénation. Et Adorno lui répond que, lui écrit qu'il faut bien sûr voir le paradis, mais aussi l'enfer à l'intérieur de ça. Et donc Adorno est tout à fait conscient, et c'est quelque chose qu'on retrouverait chez Marcuse aussi, qu'on entendra tout à l'heure, mais Adorno est tout à fait conscient qu'il y a une dimension critique, une aspiration utopique, une aspiration au bonheur à la fin de la domination dans une part de culture populaire. Simplement, il refuse, disons, d'avoir une vision unilatérale de ça. Et il rappelle, peut-être trop, peut-être à l'excès, et ça lui donne un côté peut-être un peu aristocratique dans sa critique, mais il rappelle, voilà, cette part d'aliénation, y compris dans la forme même. C'est-à-dire qu'on peut avoir une série la plus critique qui soit sur le monde contemporain. Adorno s'intéressera aussi à la forme, et on peut penser aux séries actuelles qui sont très uniformisées, standardisées, homogénéisées. Moi, je trouve pas tellement, mais bon. Peut-être pas. Pas toutes. Peut-être pas. En tout cas, pour certaines, l'idée d'Adorno, c'est que ce formatage, y compris formel, bloque à un certain niveau la réflexion et l'imagination. Blocage de l'imagination, c'est une question qui vous préoccupe, Benjamin Tortora. Vous travaillez sur le mythe, qui a des ressorts, n'est-ce pas, émancipateurs, je sais que vous le pensez, mais vous savez comme moi que Adorno n'aimait pas cette notion de mythe. Il trouvait, comme l'a très bien dit tout à l'heure Michel Cohen-Halimi, que le mythe, ça crée de la masse, au fond tout le monde un imaginaire uniforme, et que l'utopie, c'est justement sortir des grands mythes collectifs. Comment vous voyez un peu notre époque? Est-ce que vous êtes sombre? Est-ce que vous êtes inquiet, ce qui n'est pas tout à fait la même chose? Est-ce que vous croyez dans l'existence de percées utopiques et d'un imaginaire fécond, vif? Oui, effectivement, il y a de quoi être sombre et assez inquiet. Je pense que je le suis. Maintenant, c'est vrai que sur cette question de l'uniformisation par l'industrie culturelle, je rajouterai d'autres personnages à notre discussion, puisque en fait, c'était aussi un débat qui a eu cours entre Adorno, Walter Benjamin et le surréalisme, moi, sur lequel je travaille beaucoup. Et ce qui était intéressant, c'est que le surréalisme a revendiqué le fait d'utiliser des images quotidiennes, des images qu'on pouvait trouver dans la rue, et y compris dans l'industrie culturelle déjà de l'époque. Bon, alors effectivement, c'était pas la même puissance qu'aujourd'hui, mais les surréalistes voyaient effectivement dans la possibilité d'aller puiser dans ce réservoir de mythologie populaire. Oui. Partagé par tous des énergies, ce qu'André Breton appelle des idées séditieuses. Alors, effectivement, là, Adorno et Walter Benjamin sont très critiques de la notion de mythe. Donc là, voilà, c'est aussi un débat interne entre différentes lignes stratégiques politiques. Hein. Et Adorno, juste pour préciser ce point, dans la fameuse correspondance d'août 1935 avec Benjamin, reproche presque à l'excès à ce pauvre Benjamin lorsqu'il cherche des images. Il appelle ça des images dialectiques, Benjamin. C'est vraiment des percées utopiques, des choses qui réexcitent l'imaginaire pour nous sortir de dispositifs de domination. Il a très peur, Adorno, que Benjamin aille rechercher notamment l'idée d'un âge d'or, qui est un vieux mythe, des choses surannées et en fait encore enfermantes. Et, ouais. Et Benjamin l'écoute, ce qui prouve que il pense pas que l'imaginaire, sous toutes ses formes, est génialement inventif. Il l'écoute. Mais en même temps, il y a une touche Benjamin qui est peut-être plus proche de celle des surréalistes qu'Adorno. Non ? Oui, d'ailleurs, le texte de Walter Benjamin sur le surréalisme comme dernier sursaut de l'intelligence européenne au moment où le fascisme monte partout. Oui. Benjamin reconnaît aux surréalistes d'avoir, il écrit ça, inventé une ligne stratégique et politique inégalée. Mmh. Dans l'idée d'essayer de tenir ensemble effectivement cet intérêt pour la culture populaire, l'intérêt pour former aussi une ligne de masse face au fascisme. Mais il leur reproche d'avoir trop cédé aux rêves et aux mythes. Mais Adorno lui-même, je suis tombé sur une lettre de alors je sais plus de quelle année. On vous fait confiance. Ouais, grave, ouais, ce qu'il y a ouais, ouais, ouais, oui. Où il évoque le livre de Breton, Les Vases Communicants, hein, oui. Et il dit au fond, finalement, la position surréaliste n'était pas si éloignée de la nôtre. C'est intéressant, hein. Il y a toujours des ponts par-delà les. Il y a quelque chose de. Il y a du conflit, mais je crois qu'ils adoraient ça tous, hein, s'engueuler. Mais au fond, il y a des ponts qui sont jetés par-delà des grands conflits intellectuels. Je voudrais quand même, puisqu'on parle d'André Breton, je crois qu'il faut enfoncer le clou. Au moment où Adorno et Horkheimer écrivent, en pleine Deuxième Guerre mondiale, La dialectique de la raison, qui est un livre quand même extrêmement sombre, lui. Il écrit Breton, il est parti aux États-Unis, il voyage au Canada et il écrit Arcane 17. Il a rencontré une femme qui va être la très grande histoire de sa vie, Elisa. Et Arcane 17, si je ne me trompe pas, mais je parle sous votre contrôle, Benjamin Tortora, ça renvoie à une lame du tarot, la 17e, l'idée d'une étoile avec un emblème, l'emblème de l'espoir, la résurrection. Et qu'est-ce que c'est que ce texte, Arcane 17, et peut-être pouvez-vous préciser ce 17? Ah oui, c'est tout à fait, effectivement, ça renvoie à cette carte, oui, donc il y a l'étoile de la rédemption qui renvoie aussi effectivement à Lucifer, hein, donc à l'ange déçu qui s'est révolté contre la domination. Et ce texte est très beau puisque, bon, alors effectivement, il y a une composante peut-être un peu mystique, hein, ce qu'on peut lui reprocher. Alors ça sera peut-être un débat qu'on aura un peu plus tard dans l'émission sur le lien au mysticisme ou à la religion. Là, c'est vraiment un texte qui tourne vraiment autour de la question de l'amour, de la révolte et de la lumière. Hein. Donc, il revient sur des moments d'insurrection, sur sa rencontre avec une femme, sur le tarot. Et cette idée qu'il y a une lumière. On est en 1943, 44, oui. Il y a une lumière pour Breton. C'est beaucoup moins net chez Horkheimer et Adorno au même moment dans la dialectique de la raison. Ouais, ouais, ouais. Cette lumière. D'ailleurs, il a cette belle phrase. Hein, il dit, elle ne peut émaner que de trois choses l'amour, la révolte et la poésie. Et dans les trois, il y a de l'imagination. C'est vraiment le ferment de ce qu'il imagine être une politique qui se dresserait contre la domination. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Cohen-Halimi, de cette confrontation qu'on ne fait pas toujours directement entre André Breton et peut-être Adorno? C'est pongeté malgré une différence de ton, on va dire, première. Il y a une confiance quand même dans les associations libres de l'imagination chez les surréalistes. Chez Adorno, ce qu'il veut, c'est la dialectique, et lorsqu'il parle de l'imagination, il la veut exacte. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est vrai. Non, là, ce qui est passionnant, c'est qu'on voit bien que, enfin, ce qu'on appelle l'école de Francfort n'est pas une école, c'est pas homogène, il y a des controverses. Et si on veut faire exploser, les mettre tous au carrefour de nombreuses divergences, alors en effet, imagination et utopie, c'est vraiment le vecteur de la diffraction extrême. Enfin, oui. Adorno est vraiment dans un désaccord profond avec Bloch, avec, il y a toute cette correspondance avec Benjamin, tout ce qu'on vient de dire. Et donc, il y a quand même une position un peu continue chez Adorno qui est que l'utopie se réalisera à partir de, en effet vous dites dialectique, mais finalement de la négation déterminée de ce qui est. Je trouve qu'il y a une très belle formule, moi j'aime beaucoup l'affinité qu'on construit évidemment, hein, qui est anachronique entre Rousseau et Adorno, puisque Rousseau dans Les Rêveries dit « être libre, ça n'est pas faire ce qu'on veut, c'est ne pas faire ce qu'on ne veut pas ». Et donc cette négativité adornienne, elle se réserve dans le fond une puissance pratique qui donnera l'utopie dans le fond comme procédant de cette négativité. Donc on peut pas anticiper, elle n'est pas anticipable. Ça pose un problème. L'image de la bouteille à la mer, oui, bien sûr que c'est. Non, mais c'est intéressant. C'est une bouteille à la mer, oui, c'est-à-dire oui. Qu'on possibilise à partir de l'exercice critique et négatif de ce qui est. Mais ça veut dire que là, il y a un enlacement fort entre théorie et pratique. Oui. Imagination théorique, imagination politique. Alors, le seul problème, c'est que, attention aux images, Adorno n'aime pas tout dans les images. Et on l'a vu dans la discussion avec Benjamin. Et ça, c'est un point très difficile. Alors là, il faut pas le nier auprès des auditeurs. Mais il faut pas fixer, en fait. Il faut pas fixer. Ouais. Il faut pas hypostasier. Il faut pas déposer dans une image ou dans une clôture imagée ce qu'on va possibiliser par la négation, par l'action critique. Voilà, donc ça me semble important. Mais quand vous donniez la définition de imagination exacte... J'ai justement pas donné la définition, je l'attends de vous. je pense que c'est une des clés pour mieux comprendre cette affaire. C'est-à-dire que la première occurrence, mais ça revient sans cesse dans tous les livres d'Adorno, ça revient dans Minima Moralia, ça revient dans la dialectique négative. Oui. L'imagination exacte définit la part de l'imagination... dans le travail propre de la philosophie, oui. Qui est interprété. Et quand Adorno dit interprété, dans le premier texte important, disons, mais qui est publié à titre posthume, hein, mais dans l'actualité de la philosophie, qui est un texte de 1931, il dit « l'imagination contribue au travail interprétatif de la philosophie, étant entendu que la 11e thèse sur Feuerbach de Marx est citée dans ce texte et elle reviendra à l'ouverture de la dialectique négative ». C'est-à-dire, il faut ça veut dire que interpréter, c'est aussi changer le monde. Alors que Marx, dans la 11e thèse sur Feuerbach, prend congé de la philosophie idéaliste en disant « les philosophes ont diversement interprété le monde, ce qui importe, c'est de le changer ». Donc là, Adorno revient sur cette affaire. Oui. Pour le changer, il faut l'interpréter autrement. Pour l'interpréter autrement, il faut mobiliser l'imagination. Parce que l'imagination, elle prend en compte la position d'un problème que nous impose le réel. Elle marche avec le concept. Elle marche avec le concept, mais d'abord l'imagination, et surtout le terme en allemand, c'est « Fantasie ». Ça veut dire que c'est une imagination libre, qui n'est pas sous la gouverne, dans le fond, d'un concept ou d'une idée. Elle est libre, donc elle va parcourir les éléments constitutifs du problème, et elle est exacte. Et alors là, ce qui est assez passionnant dans la définition, en tout cas en 31, c'est que Adorno dit « elle joue ». Donc on pourrait se dire « mais alors c'est ludique ». Elle pénètre les éléments constitutifs d'un problème, oui. Et puis on arrive au sérieux, exacte. Alors Gilles Moutot, à la fin de son livre, l'essai sur Adorno. Je voulais le faire. Allez-y. Ah, Gilles Moutot est un spécialiste. Non, mais voilà, au contraire, il faut qu'on lui rende hommage. Sur Adorno, dans l'essai sur Adorno, à l'essai la fin, sur Adorno, il a toute une analyse de l'imagination exacte. Et il rappelle que exact doit s'entendre au sens de l'étymologie latine, exagere, c'est-à-dire achevé, en même temps que c'est habité par l'idée d'une exigence, exigere. Donc exagere, exigere, l'imagination produit des agencements expérimentaux de tous les éléments constitutifs d'un problème, et là Adorno vole le concept de constellation à Benjamin, elle expérimente voilà des agencements de ces éléments constitutifs du problème, et là où elle devient exacte, c'est quand par ces agencements-là, elle fait disparaître le problème. Et donc l'interprétation, à la différence du travail des scientifiques de d'autres disciplines, la philosophie, elle produit, elle ajoute pas des réponses aux réponses, elle dissout les problèmes. Alors Gilles Moutot est donc l'auteur d'un essai sur Adorno paru chez Payot dans Critique de la politique en 2017, et il revient sur cette question des images esthétiques selon Adorno. C'est un problème assez difficile, je vous propose de ne pas rentrer dans le détail, le fait que les images esthétiques doivent en même temps respecter un certain interdit des images, ça existe, c'est un vrai sujet, mais on va peut-être ne pas trop l'approfondir, mais il y revient avec beaucoup de précision. Aussi dans un autre texte, Gilles Moutot, Fixer les vertiges, la musique, Adorno et l'expérience non réglementée. C'est une intervention dans un colloque qui a été publié dans les Actes, aux éditions L'Harmattan, Expérience et fragments dans l'esthétique musicale d'Adorno. Jean-Baptiste Vuillereau, Michel Cohen-Alimi vient de dire que l'imagination pour Adorno joue. Évidemment que c'est une expression d'Emmanuel Kant dans la critique de la faculté de juger que nous avons examinée assez longuement hier dans le troisième épisode de cette série. Le beau passe par un libre jeu, dit Kant, de l'entendement et de l'imagination. L'idée qu'il y ait dans l'esthétique cette liberté et ce jeu J.E.U. est très redevable à Kant, et il y en a un autre qui le dit beaucoup, c'est Marcuse. Marcuse cite beaucoup Kant dans Eros et civilisation en 1955. Marcuse est aussi l'école de Francfort, et il écrit notamment dans ce livre, je cite, « La fonction esthétique peut, sur la base des travaux de Kant et de Schiller, être pensée comme une force libératrice au service de la reconstruction de la société. » Qu'est-ce qu'il veut dire, Jean-Baptiste Vuillereau? Je crois déjà qu'il faut bien voir, c'est lié à Kant, c'est aussi lié à Hegel, qui fait une critique de la théorie des facultés. Et chez Hegel, ça signifie qu'il n'y a pas d'un côté l'imagination, de l'autre la raison, de l'autre la volonté, comme si on pouvait mettre des cases avec à chaque fois des fonctions. Les auteurs de l'école de Francfort, que ce soit Adorno, Marcuse, Horkheimer, Benjamin, n'ont pas une théorie des facultés qui séparerait de manière bien compartimentée, nos différentes justement facultés spirituelles. Ce qui veut dire que l'imagination, la raison, y compris la volonté dans son orientation pratique, en fait, peuvent se mêler de manière tout à fait originale. Et l'imagination, on pourrait dire que dans cette perspective-là, une fois qu'elle est liée à la pratique et au théorique, acquiert, disons, toute sa faculté, sa possibilité créatrice, on pourrait dire. Mmh. On pourrait presque dire que chez Adorno, il y a une distinction forte entre imagination et image. C'est-à-dire qu'il rappelle, et ça je crois qu'il y aurait peut-être un lien avec Kassouriadis, l'imagination est cette possibilité, oui, à la fois critique, mais de se distancer du présent. C'est quelque chose qui est tout à fait là chez Marcuse aussi, dans Eros et Civilisation. Je vais juste dire un mot quand même de la négativité, là-dessus, parce que c'est quand même important. D'une part, il nous demande de penser quelque chose de paradoxal, Adorno. Il nous dit une imagination sans image ou une utopie sans image, mais c'est tout à fait étrange. Comme le disait Michel Cohen-Alimi, ça signifie une négation déterminée de ce qui est. Alors on se dit, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est étrange, c'est pas si étrange que ça. D'une part, c'est une exigence de radicalité. C'est-à-dire qu'on fait toujours passer Adorno pour une sorte de réactionnaire parfois, etc. Mais non, il a une exigence très forte qu'il faut changer la manière dont on a fonctionné jusqu'à maintenant, la manière dont fonctionnent de manière structurelle nos sociétés. Donc c'est une exigence forte, et c'est d'abord ça que veut dire la négation déterminée de ce qui est. Et concrètement, c'est quelque chose d'assez finalement intuitif. Vers quoi doit aller la pratique et l'interprétation du monde, il nous dit la négation de ce qui est. Mais c'est quelque chose de très concret. Si on pense à la question écologique actuelle, eh bien, on ne sait pas très bien qu'est-ce que va être le monde parfait. Par contre, on sait à quoi il ne doit pas ressembler. Et on n'a que des injonctions négatives. Moins prendre l'avion, ne pas aller détruire les grands fonds marins, ne pas aller dévaster la forêt amazonienne. On n'a que des énoncés négatifs. C'est gênant qu'on n'ait que des énoncés négatifs. Bah, ou bien vous dites que non, c'est normal, c'est comme ça que ça marche l'utopie. Bah oui, c'est-à-dire que pour Adorno, dans un monde aussi horrible que celui dans lequel on vit, eh bien, c'est déjà utopique d'imaginer qu'une multinationale puisse ne pas aller délabrer des grands fonds marins, des espaces de forêt vierge, etc. Et donc l'utopie, en tout cas dans notre monde, prend des formes négatives et c'est tout à fait concret. Alors, j'envisageais un moment de vous poser la question qui va venir, je voulais le faire plus tard, mais là vraiment la transition est trop belle. L'utopie, vous le dites très bien tous, chez Adorno, passe par une conscience, une lucidité terrible sur le négatif, sur ce qui va mal dans notre époque. Mais je me demande si en ce moment, et ça rejoint le problème de départ, est-ce qu'en ce moment nous ne sommes pas dans une hyper-aliénation, nous n'arrivons pas à imaginer. Je me demande si aujourd'hui, l'utopie ne prend pas la forme paradoxale de la dystopie, et notamment dans les fictions. Il y a énormément de fictions et de séries aujourd'hui sur des dystopies, c'est-à-dire sur un imaginaire catastrophique. Et je suis frappée parce que, bon, vous savez bien que Kerouac a écrit ce livre très célèbre sur la route en 1957, c'est tout l'imaginaire, bon, américain, mais aussi pré-68, il y a une force, une vitalité, une lumière, pour parler comme vous, Benjamin Tortora. C'est bretonien, quoi. On prend la route, c'est l'aventure, c'est l'amour aussi, c'est la poésie. Et puis, il y a un livre qui s'appelle « La route », qui lui a été publié par Cormac McCarthy en 2006, et qui a donné lieu à un film. J'ai souvent pensé que c'était une réponse directe à Kerouac, et là, c'est l'histoire d'une catastrophe. Écoutez la bande-annonce du film qui a été réalisé sur « La route », cette fois, le roman de Cormac McCarthy. Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence. On nous informe d'une brusque chute des températures. Vous vivez avec nous ce drame en direct. Tu crois qu'il y a encore combien de personnes en vie ? Dans le monde ? Pas beaucoup. C'est bon pour toi. On ne survivra pas à un autre hiver ici. Il faut descendre vers le sud, rejoindre la côte. Cet enfant a l'air affamé. Tu le regardes encore et je t'explose la cervelle. Film réalisé par John Hillcoat en 2009 sur le livre La Route, qui est une dystopie terrible, l'histoire d'une catastrophe. La Route, le livre, le roman de Cormac McCarthy. Je rappelle à nos auditeurs ou ceux qui viennent nous rejoindre que nous parlons de l'imaginaire et de ses effets politiques et de l'état aussi de notre imaginaire contemporain, de la capacité d'un imaginaire à nous faire sortir de certaines dominations et la domination de la nature est l'une de ces dominations. Nous essayons de créer un autre monde, mais ce n'est pas du tout facile. Peut-être que notre imagination est atrophiée, peut-être non. Je suis en compagnie de Michel Cohen-Halimi, de Benjamin Tortora et de Jean-Baptiste Vuillereau. Jean-Baptiste Vuillereau, est-ce que vous pensez que les dystopies sont les formes que prend dans la fiction en ce moment la percée utopique ? En tout cas, pour une part, en tout cas, ce serait assez adornien de le dire quand il discute fin de partie de Beckett ou certains textes de Kafka. Adorno a cette idée que ces imaginaires particulièrement noirs et en fait ne font que tirer les fils en les exagérant de la société telle qu'elle existe. Simplement, ça révèle en creux et, disons, le fonctionnement de notre monde. Et c'est vrai que les dystopies, qu'elles soient féministes, écologiques, sociales au sens plus général, en fait, ne font que dire si on va jusqu'au bout dans notre logique actuelle, voilà le monde auquel on va aboutir. Donc il y aurait, pour une part, ce sera assez adornien de dire que ces dystopies nous donnent à voir l'horreur du réel. Maintenant, d'un point de vue adornien, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, il faut est-ce que en étant trop surchargé, oui, de ces dystopies, dans tous les jeux vidéo, qui sont des sortes de jeux survivalistes, dans toutes les séries, dans tous les films, dans tous les livres, est-ce que finalement, à trop en avoir, et dans la forme que cela prend, est-ce que ça n'atténue pas, en tout cas, cette critique-là? Et c'est évident que c'est pas parce qu'on regarde La Servante Écarlate qu'on est critique, forcément, de la, on va dire... Donc, on parle pas du roman de Hawthorne, on parle non, de la on série. Non, parle de la série, voilà. De la série, une dystopie terrible où les femmes, voilà, encore fécondes sont utilisées comme esclaves sexuelles pour une reproduction pour des femmes qui, elles, sont devenues stériles. Et qui est aussi une dystopie écologique. Mais est-ce que c'est parce qu'on regarde ça? Est-ce que c'est parce qu'on regarde Matrix, qui est aussi une dystopie, mais basée plutôt sur la question de l'intelligence artificielle? Alors on va se dire, oui, il y a des tendances du monde actuel, on va peut-être pas dans la bonne direction, il faut être peut-être plus féministe, plus écologiste, etc. Mais quelle est la portée critique réelle de tout ça? C'est très intéressant et agréable à regarder, et moi je suis le premier consommateur de ce genre de contenu. Oui. Malgré tout, d'un point de vue adornien, ce serait complètement insuffisant pour porter la critique du réel, et je crois que là-dessus, c'est pas une question d'élitisme ou de mépris de la culture populaire, c'est juste vrai. Je veux dire, ça ne change pas le monde. Et qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin Tortora? Nous faut-il plus de lumière quand même que ces dystopies? Ou bien, au fond, nous sommes arrivés à un moment qualifiable de catastrophique, pour reprendre un mot qu'Adorno utilise très souvent, et nous n'avons pas le choix? Oui, alors j'aurais un peu une approche dialectique, hein, comme Jean-Baptiste. Et effectivement, je pense qu'on peut tendre vers la lumière, mais c'est une lumière qui ne peut jamais être absolue et qui se dialectise avec cette sensation de chaos et ces dystopies effectivement qui nous plongent dans un monde sombre. Alors on peut être effectivement peut-être interpellé, ressentir comme la figuration d'un danger imminent. Donc la catastrophe et le péril est toujours immédiat. Cependant, peut se poser la question de la forme. J'aimais bien la comparaison entre Sur la route et donc effectivement la route. Kerouac et la route de Cormac McCarthy. Voilà, la question. La lumière et puis la nuit noire de la fin du monde pour le dernier en tout cas. Voilà, oui, c'est McCarthy. Ça. C'est ça, puisque la question, si c'est celle de l'émancipation. Peut se poser, je pense, la question de la forme, quoi, la forme esthétique aussi, hein, que prennent les créations. Si j'essaie de raccorder ça, par exemple, à Breton a une très belle phrase à propos du rêve. Il dit: le rêve, c'est ce qui illumine la sphère du sentiment. Et est-ce que ces dystopies, effectivement, qui sont addictive. Addictive. Hein, on peut dire ça quand même. Hein. Ça pose d'ailleurs un problème, parce que Adorno peut dire bravo l'industrie de masse. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'elle nous a. Et si on va vers là-bas, alors ça n'est pas créatif, ça n'est pas inventif, ça n'est pas imaginatif, c'est juste un problème de plus dans notre monde. Quelle est la dimension de rêve? De là-dedans, rêve, dans les dystopies, et plus largement de remise en question de la structure des sociétés, puisqu'on parlait de ça aussi. Alors c'est un problème qui est cher à Marcuse, parce que Marcuse aimait la révolte, bien sûr, mais il pensait, en freudien radical qu'il était, que si on déverse juste des désirs non répressifs dans une société répressive, si on les réalise tels quels, on va créer un autre chaos. Il le disait, Eros sans garde-fou, ce sera pas tellement mieux que Thanatos. Il faut donc sublimer nos envies de révolte. Et la sublimation, c'est précisément, pour lui, l'imagination, l'imaginaire. Mais alors, tout est là. Quelle forme? Au fond, n'avons-nous pas aujourd'hui un problème, non seulement de contenu de l'imagination, Michel Cohen-Halimi. Mais un problème de forme. Sublimer, ça veut dire être capable de se créer un monde aussi à partir de son éros personnel. Et les dystopies forment un monde. Elles sont quand même très fortes. Hein. Je sais pas, La Guerre des Mondes. Il y a un tas de séries. Et c'est pas du tout. C'est une référence à Wells, mais c'est pas du tout une adaptation de Wells. Est-ce que vous pensez que des mondes esthétiques, vous qui travaillez sur l'esthétique, aujourd'hui couvent, vont éclore, que nous sommes dans un moment de transition dans les formes esthétiques, musicales, romanesques, poétiques? Est-ce que vous l'esthétique traverse votre travail, Michel Cohen-Halimi? Je suis sûre que vous êtes à la fois inquiète et incertaine, mais que quand même c'est ça. C'est un vrai sujet. Je vous remercie pour cette injonction à l'optimisme. Non, je suis plutôt de l'école. À l'inquiétude aussi, hein. Je suis plutôt de l'école qui organise le pessimisme. Mais selon la formule très belle de Benjamin, précisément dans son texte sur le surréalisme, sur la question de la dystopie, et la question dans le fond autour de laquelle on tourne là, c'est quand même la question de qu'est-ce qui favorise la transformation du monde tel qu'il est. Donc l'imagination sans images, que ces images soient positives ou catastrophiques. L'imagination sans image, chez Adorno, c'est quand même l'idée qu'on préserve la dynamique de la possibilisation. Et cette dynamique de la possibilisation, elle s'arrête dans l'image. Donc sur la question de la dystopie, je pense qu'il y a quand même cette persévérance dans la critique négative et dans la négation déterminée. Et je pense que parler aujourd'hui de négation déterminée ou dire la liberté c'est ne pas faire ce qu'on ne veut pas, je pense que c'est déjà quasiment une utopie. Mais sur la question de la dystopie, oui, et puis on va revenir à Marcus, sur la question de la dystopie, en fait, la position d'Adorno, ce qu'elle a d'intéressant aussi, outre qu'elle maintient qu'on n'a pas besoin d'inverser les valences de l'image positive, négative, la question c'est ne pas s'arrêter, ne pas se fixer dans des images. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est que La dystopie ou l'image catastrophique, Adorno nous dit, elle pose quand même un certain nombre de problèmes qui sont qu'elle génère presque des angoisses. Enfin, c'est une dimension de choc et de trauma qui est totalement angoissant. Alors la question c'est, est-ce que l'angoisse favorise la praxis, la pratique critique, oui, la pratique qui vise au changement de ce qui est, c'est pas sûr. Et d'autre part, il est quand même contemporain de Brecht. On peut penser aussi à Blumenberg, alors qu'il a pas lu, mais à Naufrage avec spectateur. C'est-à-dire mettre toute cette catastrophe en spectacle, mettre tout ce malheur, dans le fond, en image, est-ce que ça déclenche chez le spectateur autre chose que de l'angoisse et du trauma? Est-ce que cette esthétique du choc, elle est, dans le fond, vitalisante? Enfin, c'est une vraie question politique. Après, je pense pas qu'il y ait un jugement uniforme sur tout ce qui se produit, parce qu'en effet, comme vous le dites, il y a des inventions de forme. Et peut-être que du côté des inventions de forme, on ne suscite pas chez le spectateur ce qu'on voyait là dans le premier texte de Minima Moralia, c'est-à-dire en fait on répond plus, on ne pense plus, on n'imagine plus, mais on réagit, on a des coups de matraque, des stimuli sensori psychiques. Donc en fait toute la question est là, c'est comment contribuer maximalement à dynamiser la praxis qui change le monde. Alors, Marcus faisait des petits signes vers André Breton, mais on a vu qu'au fond, tous ces gens-là, même si voilà, Adorno est beaucoup plus négatif que Breton, beaucoup, peut-être plus inquiet sur l'imaginaire, ils se parlent, ils se répondent. Ce point a déjà été, au fond, un peu abordé. Mais il y a un autre personnage que je voudrais maintenant introduire dans notre discussion, et c'est Cornelius Castoriadis. Alors, Castoriadis, il vient du marxisme, ce qui est un point commun avec la première école de Francfort. Il pense que l'imaginaire est une dimension fondamentale que peut-être un certain marxisme beaucoup trop orthodoxe et oublieux des illuminations, oserais-je dire, du jeune Marx, tout ça a été mis un peu de côté. Il faudrait ressourcer l'imaginaire et le penser contre ce qu'il appelait la pensée héritée, l'ontologie héritée, nos paradigmes dominateurs qui étouffent précisément cet imaginaire qui demande à le contester. Je vous propose de lire un texte de Castoriadis, de l'écouter. C'est évidemment extrait de l'institution imaginaire de la société. La création du beau, de quoi relève-t-elle? De l'imagination créatrice. Et cette imagination créatrice mobilise toutes les puissances de l'être humain et de l'imagination. Aussi bien de l'imagination radicale, de l'imagination constituante que de l'imagination constituée. Elle implique donc multiplement la mémoire, mais elle ne s'y réduit pas. Muse et mnémosyne sont profondément apparentées, mais elles ne sont pas une seule et même chose. Cette vérité que je revendique aujourd'hui, en 1982, comme la vérité de l'existence humaine pour ce qui est de l'imagination, c'est-à-dire pour ce qui est de tout. Cette vérité est donc déposée dès l'origine. Elle est déposée là, dès la première heure dans cette petite fable. Mythe, conte, légende, appelez-la comme vous voudrez. Les muses sont filles de mnémosyne. Et il y a en un sens plus de philosophie dans cette petite fable que dans tout ce que les philosophes ont pu dire sur l'imagination. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Benjamin Tortora, Cornelius Castoriadis faisait confiance à l'imaginaire collectif, qui est nourri depuis l'origine par des mythes. Il est beaucoup moins inquiet qu'Adorno sur ces mythes. Il ne les trouve pas étouffants, il les trouve féconds. Cet optimisme vous fait penser à Breton, vous ravit-il, vous inquiète-t-il? Alors effectivement, alors se pose la plusieurs questions dans ce texte, qui rejoint en partie effectivement les questions que les surréalistes se sont posées. Pourquoi Castoriadis dit « je revendique aujourd'hui en 1982 cette vérité » C'est que Castoriadis mène en fait ici, bon déjà ça fait quelques années qu'il l'a fait, mais une discussion avec le marxisme. Vous parliez de la pensée héritée, qu'il retrouve dans un certain type de marxisme. Cette pensée héritée c'est quoi? C'est le désir de maîtrise. Maîtrise absolue et de savoir absolu, qui selon lui va avec l'idée que ce qui relève de l'imagination, des significations imaginaires, serait complètement déterminé. Alors Castoriadis, effectivement, est un penseur de la liberté, comme les surréalistes. Donc là, il y a une proximité évidente. Donc les mythologies ne sont pas pleinement déterminées. Il y a toujours quelque chose qui échappe à l'interprétation systématique. Donc bon, on parlait des séries, mais d'ailleurs c'est ça. Donc les séries aussi peuvent éventuellement activer des choses archaïques. Enfin, si on a le droit d'employer ce mot. Archaïque ou libre. Ou libre. Le spectateur est libre aussi de recomposer des choses en lui. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, la discussion, placer l'imagination au centre de la perspective politique, c'est essayer de fonder la liberté et l'autonomie, ce que Castoriadis va appeler l'autonomie. Alors, pardon, le texte était extrait d'une conférence, en fait, de ce qui fait la Grèce et d'un ensemble de travaux sur la Grèce de Castoriadis. Mais il y a évidemment ce livre magnifique, L'institution imaginaire de la société, que j'ai tout de suite mis en avant parce que c'est vrai que c'est là qu'il règle ses comptes avec un certain marxisme, hein, considérant que le jeune Marx était le seul dans toute la sphère marxiste à avoir créé quelque chose qu'on a eu tendance un petit peu après à étouffer. Jean-Baptiste Huirault, est-ce que vous croyez qu'au fond, aujourd'hui, si nous voulons réaliser des formes de percées utopiques, écologique notamment, essayer de sortir d'un monde dont vous avez dit vous-même tout à l'heure qu'il était de plus en plus effrayant. Est-ce qu'il vaut mieux s'appuyer sur Castoriadis que sur la négativité adornienne qui quand même à chaque fois nous laisse un peu perplexes, c'est-à-dire il faut de l'imagination mais pas d'image fixe, il faut beaucoup de négatifs, mais peut-être que les dystopies hyper négatives, comme l'a dit Michel Cohen-Animi, nous empêchent par l'angoisse qu'elles génèrent d'être vraiment critiques, etc., etc. Chez Castoriadis, il y a une ressource, une mine d'or qui est l'ensemble des mythes de l'humanité où il y a de quoi s'abreuver. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Baptiste Huirault? Mais alors, on s'appuie sur ce qu'on peut, on va dire. Mais alors, sur la question du mythe et ensuite sur la question de la praxis transformatrice. Bon, sur la question du mythe, il est certain que Adorno et Horkheimer, dans la dialectique de la raison, vont plus chercher dans les mythes la domination que l'espoir. Ça c'est certain. Mais en même temps, une démarche adornienne serait de savoir quels sont nos mythes à nous. Et donc, voilà, pour toujours faire le lien aussi avec la question écologique, le mythe que la géo-ingénierie, que des inventions scientifico-techniques vont nous sauver en enfermant le carbone, en repeignant le monde en blanc pour envoyer les rayons du soleil. Ce sont des mythes. Et c'est-à-dire, on a nos mythes scientifico-techniques sur la question écologique. On pourrait avoir pensé des sortes de mythes aussi sur les questions féministes et sociales. Et une démarche adornienne, c'est effectivement de dénoncer ces mythes collectifs qui, pour le coup, bloquent la transformation du monde. Ensuite, donc là-dessus, il y a une différence avec Castoriadis. Malgré tout, le texte là, qui vient d'être lu dans les cours sur ce qui fait la Grèce, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'adornien. Michel Connalimi disait tout à l'heure que chez Adorno, l'important, c'est que l'imagination ne se bloque pas dans l'image. Oui. Exactement comme chez Castoriadis, l'idée que l'imagination constituante ne doit pas se bloquer sans l'imagination constituée. Et là, il y a quelque chose de commun. Et encore une fois, pour Adorno, l'imagination, en tant que puissance créatrice, hein, qui fait fond sur des possibilités réelles pour transformer le monde, ça, c'est présent chez Adorno. Et là-dessus, c'est pas du tout entièrement pessimiste. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que c'est négatif que c'est pas concret. Parce que nier des éléments du réel, c'est déjà énorme et c'est déjà utopique pour nos sociétés. Et alors là-dessus, même si on pourrait monter un peu en épingle l'opposition négative-positive, je pense qu'il y a quand même quelque chose de proche avec l'intuition de Castoriadis. Il nous reste quelques secondes seulement, mais je suis très contente parce que Castoriadis, André Breton, Adorno, a priori, ils ne viennent pas tout à fait du même monde théorique. Et au bout du... Ils s'engueulent d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est vif, quoi, entre eux, lorsqu'ils... Et puis, c'est quand même un dialogue. Ce qui prouve peut-être que c'est aussi dans le conflit intellectuel, Michel Cohen-Halimi, que la créativité, peut-être que l'imaginaire peuvent se ressourcer. Je suis désolée, il faut le dire très vite, mais je crois que, voilà, si je défends le triste cire jusqu'au bout... Oui, c'est-à-dire Adorno. Voilà. Oh, mais cette idée dialectique, en fait, d'un échange où les différences et les identités jouent toujours, mais sont mues par une grande ambition qui est quand même de penser les conditions de changement de la situation, de la société telle qu'elle est. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat batch out laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA, look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meter. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and it puts you on a day shift. Look out, kid, to keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle. Et vous avez entendu cette fameuse chanson de Bob Dylan, Subterranéenne, je le dis avec l'accent français, Homesick Blues de 1965, qui est peut-être en lien avec un imaginaire plus proche de celui de Kerouac, mais qui quand même décrit un monde plein d'injonctions, assez dur, et qui, en répétant ces injonctions, nous invite à en sortir. Bob Dylan, donc, merci beaucoup à tous les trois pour cette discussion. Je vous propose maintenant que nous écoutions Frédéric Vance pour sa chronique. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi exprime-t-on de la gratitude ? Dans son livre intitulé « Parcours de la reconnaissance », encore une fois trop méconnu, son dernier livre, pourquoi y a-t-il consacré son dernier livre ? Paul Ricoeur va de la dissymétrie d'une reconnaissance objective, supposée être le point de départ, on peut s'en étonner, jusqu'à la réciprocité intersubjective, et même à une particularité en français du mot « reconnaissance » qui fait qu'il désigne aussi la gratitude. La gratitude joyeuse d'être reconnu par l'autre, un geste de remercier aussi, un geste de reconnaissance, comme on dit, qui aurait pour lui quelque chose de très profond, qui attesterait que la reconnaissance est justement d'abord réciprocité subjective et peut-être même d'abord une dette à l'égard de l'autre, avant même d'un geste souverain de nous à son endroit, en quelque sorte, avec cette condescendance aussi, je te reconnais des droits, eh bien peut-être c'est l'inverse, peut-être n'existons-nous justement que d'avoir été reconnus par les autres. La gratitude serait alors non pas un geste secondaire de reconnaissance, d'un geste social, de politesse, mais un geste fondamental de lien, un geste qui atteste dans le lien à autrui, dans la façon dont autrui nous regarde, une condition même de notre existence et de notre vie. La gratitude touche dans toutes les langues aussi à la grâce d'exister, à la grâce d'être reconnu dans son existence, qui nous montre bien aussi que le déni de reconnaissance a quelque chose de meurtrier et d'existentiel, que la reconnaissance n'est pas quelque chose qui s'ajoute à notre existence, mais qui nous constitue comme subjectivité. Alors bien sûr, c'est pourquoi l'expression de la gratitude a quelque chose d'essentiel. Les sociologues, comme Marcel Mauss dans « L'expression obligatoire des sentiments », nous montrent qu'un remerciement, quand on reçoit un cadeau, c'est quelque chose d'obligatoire, c'est un rituel social. Au fond, vous ne pouvez pas y échapper. Si vous ne dites pas merci à un don, alors vous n'êtes pas dans ce contre-don qui tisse un lien social obligatoire. C'est le minimum de la politesse. Merci, je t'ouvre la porte. Merci, je t'exprime ma gratitude. L'expression obligatoire montre que la gratitude est un lien social très profond, mais et que l'ingratitude est une trahison qui peut aller jusqu'à la violation, la pire de toutes. Mais la gratitude va plus loin qu'une expression sociale obligatoire d'un sentiment. La gratitude, c'est vraiment de dire à quelqu'un, sans cette relation de toi à moi, je n'existerai pas, je ne serai pas capable de mener cette activité, c'est grâce à toi que je fais ceci ou cela, c'est grâce à toi ou à vous que j'existe comme ceci ou comme cela, vous me faites en réalité exister, et l'expression de cette gratitude, l'expression verbale, l'expression exclamative, l'exclamation de cette dette a quelque chose aussi de fondamental car elle passe par le langage. Ainsi qu'on l'appelle ou non reconnaissance, la gratitude nous montre la primauté de l'intersubjectivité sur la connaissance même du monde. Bien sûr, la reconnaissance va être aussi un combat et une lutte. Bien sûr, aussi, il faut se reconnaître mutuellement comme sujet, mais la paix n'est possible que si on reconnaît non seulement que l'autre existe, mais qu'il est important pour nous et que sans sa reconnaissance, notre vie elle-même n'est pas possible. Merci Michel Cohen-Halimi, Jean-Baptiste Vuillereau et Benjamin Tortora pour vos analyses autour de la question de l'imagination théorique et de l'imagination politique. Les références de vos travaux sont sur notre site. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Yad Kera avec à la technique d'Ali Yaha. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel. Merci aussi au reste de l'équipe, Anna Feulpin, Marine Boudalier, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.